C'est tout le département qui te parle. Représente le coffre fort. Toulon. Suis-le. Prends l'air. Avec les cœurs, les couilles, représente le 8-3. Basse-ville, homicidor, représente le 8, le 8-3. Partout c'est la même, parce qu'il y a personne qui suce. Toulon, représente le 8-3. Coffre-fort, viens pas de tête. J'ai grandi dans ces rues, et faire des rimes, opérer dans nos blocs. Tu rames enragé, représente le coffre-fort. Pour tous nos gars de la basse, représente le coffre-fort. C'est sérieux, viens pas de tête. Représente le coffre-fort. Représente le 8-3.